À l'occasion de la journée du soleil, les séminaires sur les exploits du président Gemelson ont eu lieu au Congo démocratique, en Éthiopie, au Pakistan et au Népal. Y ont pris part les personnalités de différents milieux et autres habitants des pays hôtes. Les orateurs ont dit que le président Gemelson qui a créé les immortelles idées du Jutsu et conduit à la victoire la lutte révolutionnaire anti-japonaise de 20 ans, la guerre de libération de la patrie de 3 ans et la confrontation avec les États-Unis après la guerre, est le grand penseur et théoricien, le commandant prestigieux à la volonté d'acier, le grand homme incomparable et le père des peuples du monde.